بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous poursuivons inshallah et nous terminons بإذن الله عز وجل aujourd'hui avec son aide et son assistance le charh de Usul al-Thalatha de Cheikh Mohamed ibn Abd al-Wahhab. Donc nous avions terminé lors du dernier cours le troisième fondement qui est donc la croyance en Mohammed alayhi salat wa salam, la connaissance du prophète Mohammed alayhi salat wa salam. Et donc nous pénétrons aujourd'hui, inshallah, dans la conclusion dans laquelle le Cheikh a évoqué divers points, bihaoulillah, que nous allons traiter. Donc Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab dit, rahimahullah, « وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ » Et les gens, lorsque ils mourront, ils seront ressuscités. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dit bayyana rahimahullah ta'ala fi hadhihi al-jumlah anna an-nasa idha matu yub'athun yab'athuhum Allah 'azza wa jalla ahya'a ba'da mawtihim lil-jazaa' wa hadha huwa an-natijatu min irsal ar-rusuli an ya'mala al-insanu li hadha al-yawm yawm al-ba'th wan-nushur al-yawm alladhi dhakara Allah subhanahu wa ta'ala min ahwalihi wa ahwalihi ma yaj'alu al-qalbu ما يجعل القلب ينيب إلى الله عز وجل ويخشى هذا اليوم قال الله تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. Cheikh Al-Uthaymin dit que donc le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab donc a évoqué à travers cette phrase qui est donc lorsque les gens mourront ils seront ressuscités. Il évoque que les gens, lorsqu'ils mourront, seront ressuscités. Allah subhanahu wa ta'ala, donc les rendra vivants à nouveau, les fera revivre après leur mort, afin de les rétribuer. Et ceci est le résultat, donc, de l'envoi des messagers alayhim salatu wassalam. C'est-à-dire que la personne agisse, pratique, pour cette journée-là, le jour de la résurrection, le jour où les gens seront ressuscités. Il dit le jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué, dont Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué les situations et donc les situations affligeantes qui font que le cœur revient vers Allah subhanahu wa ta'ala et craint ce jour-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Muzammil, il dit, et comment vous allez vous protéger si jamais vous mécroyez en un jour qui va rendre l'enfant, le bébé, donc aux cheveux blancs. Le ciel se fissure de ce jour-là. Et c'est une promesse qui sera exaucée. Donc le Cheikh évoque ce jour-là, le jour, donc Yawm al-Din, Yawm al-Qiyama, Yawm al-Ba'th. Donc le fait que les gens seront ressuscités. Et ça c'est une obligation. Donc de croire en la résurrection, c'est une obligation et qui est en lien avec un pilier que nous avions cité, un des piliers de la foi qui est Al-Imanu bil-Yawm al-Akhir, qui est la foi au jour dernier. والدليل قوله تعالى et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala منها خلقناكم donc c'est à partir d'elle que nous vous avons créé c'est-à-dire la terre وفيها نعيدكم et c'est en elle que vous allez nous allons vous retourner vous remettre ومنها نخرجكم تارة أخرى et c'est d'elle que nous vous sortirons une nouvelle fois sourate Taha وقوله تعالى et de même dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا et Allah subhanahu wa ta'ala donc vous a fait pousser c'est-à-dire vous a créé à partir de la terre puis il vous remettra dedans et il vous en fera sortir à nouveau surat Nuh وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. Cheikh Mohammed Abd al-Wahhab dit, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab dit, rahimahullah, et après la résurrection, les gens subiront des comptes. Ils seront muhasaboun, ils subiront des comptes, ومجزيون, et ils seront donc rétribués, بأعمالهم, en fonction de leurs actions. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dit, يعني أن الناس بعد البعث يجازون ويحاسبون على أعمالهم إن خير فخير وإن شر فشر قال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Cheikh Al-Uthaymin dit, c'est-à-dire que les gens, après la résurrection, seront rétribués et subiront des comptes en fonction de leurs actions. Si leurs actions étaient bonnes, alors leur rétribution donc sera du bien. Et si jamais leurs actions étaient mauvaises, du mal, alors ils seront rétribués en fonction. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, celui qui fait un atome, entre guillemets, la plupart des traductions disent un atome, al-dharra, c'est-à-dire c'est le grain, celui qui fait un grain de bien le verra, et celui qui fait un grain ou un atome de bien, un atome de mal, le verra. Surat Az-Zalzala. وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرْ وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرْ. Et celui donc qui dément la résurrection, qui n'y croit pas, qui rejette cela, kafar, donc sort de l'islam, a fait de la mécréance, de la petite ou de la grande, bien sûr. Donc c'est une information qu'on appelle al-ma'loum min ad-din bid-darura. C'est quelque chose que personne n'est censé ignorer. Donc la personne rejetant cela n'est pas excusé, sauf si c'est quelqu'un qui vient à peine d'entrer dans l'islam, qui précédemment était dans le kufr, donc dont la mécréance est récente, il vient juste d'entrer en islam, ou bien si c'est quelqu'un qui vit dans une contrée qui est complètement coupée de la science, hein, qui n'a pas donc à portée de main le Coran et les hadiths, et non plus une personne de science autour de lui, et qu'il ne peut pas accéder à cette science-là, cette personne-là alors ne devient mécréante qu'après l'établissement de la preuve. Mais à la base, une telle personne rejetant donc l'information selon laquelle les gens seront ressuscités, يوم القيامة, cette personne-là est mécréante. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate At-Taghabun, les mécréants ont prétendu qu'ils ne seront pas ressuscités. Dis, bien sûr, par Allah, par mon Seigneur, vous serez ressuscités et vous serez informés de ce que vous aviez fait. Et ceci est pour Allah facile. Donc c'est des points que je passe assez rapidement qui sont des points évidents que le musulman n'est pas censé ignorer. Donc ce premier point de la conclusion qui est cité par le Cheikh rahimahullah est donc la croyance en la résurrection. Et la croyance à la résurrection, comme nous avons dit de nombreuses fois, la croyance au jour dernier, c'est une boussole ça pour le musulman qui lui permet de faire preuve de constance dans sa religion et qui lui permet donc de relativiser les problèmes qui lui arrivent, les épreuves qui se trouvent sur le chemin le menant au paradis, car il sait que tout ceci est éphémère et que tôt ou tard ceci donc prendra fin et qu'il rejoindra bihaoulillahi azza wa jal son Seigneur. Et le fait de savoir aussi qu'il sera jugé sur l'atome de bien ainsi que l'atome de mal l'amène donc à surveiller ses paroles ainsi que ses actes ainsi que ses croyances afin de rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala saint et sauf. C'est pour cela que ce point-là, donc al-imanu bil ba'th, la croyance donc à la résurrection, et de manière plus générale al-imanu bil yawm al-akhir, la croyance au jour dernier, est de nombreuses fois cité dans le Coran. Il n'y a quasiment pas une page du Coran où n'est pas cité donc cette croyance-là. Une information qui de près ou de loin est en lien donc avec ce qui va se passer après la mort, notamment le jour dernier ainsi que les comptes que vont subir l'humanité. ثم يقول الشيخ رحمه الله وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc ce sont les paroles du Sheikh, le texte. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les messagers, mubashirin comme annonciateurs de bonnes nouvelles, wa munzirin et comme avertisseurs, donc du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les désobéissants, pour les mécréants. Donc al-bushra, al-mubashir, c'est l'annonciateur de bonnes nouvelles, de manière générale. Mais aussi ça peut être utilisé dans le Coran de manière beaucoup plus rare, de manière exceptionnelle, pour annoncer une mauvaise nouvelle. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Bashir alladhina kafaru bi'adhabin alim ». Donc annonce, mais pas dans le sens d'une bonne nouvelle, annonce aux mécréants qu'ils auront un châtiment donc douloureux. Est-ce que c'est l'annonce d'une bonne nouvelle? Non. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le verbe bashir. Donc, mubashirin, les messagers sont mubashirin, c'est-à-dire qu'ils annoncent la bonne nouvelle. Wa mundhirin, avertisseurs, ils annoncent donc le châtiment et les conséquences de la désobéissance. Cheikh Al-Uthaymeen dit: Bayyana al-mu'allif rahimahullah ta'ala anna Allah arsala jami'a ar-rusuli mubashirin wa mundhirin kama qala ta'ala rusulan mubashirin wa mundhirin yubashiruna man ata'ahum bil jannah wa yundhiruna man khalafahum bin nar. Donc l'auteur a montré, Cheikh Al-Uthaymeen dit, l'auteur a montré rahimahullah ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les messagers donc comme annonciateurs et avertisseurs, comme a dit subhanahu wa ta'ala, Rusulam mubashirin wa mundhirin, des messagers, annonciateurs et avertisseurs. Donc, annonciateur que celui qui leur a obéi, annonciateur que celui qui leur a obéi ira au paradis, et avertisseur que celui qui leur a désobéi, qui est allé à leur rencontre, donc ira au feu. وأولهم نوح عليه السلام. Et le premier donc de ces messagers, c'est Nuh عليه السلام. Donc là, ce qui est cité, c'est les messagers, pas les prophètes. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Sourate An-Nisa. Donc, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit, le premier des messagers est Nuh alayhi salam, et le dernier est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La preuve de ceci, donc que Nuh est le premier des prophètes alayhi salatu wa salam, c'est la parole d'Allah. Nous t'avons donc révélé, des paroles, un livre. Tout comme nous avons révélé à Nuh et aux prophètes qui sont arrivés après lui. Donc, s'il y avait un messager précédent Nuh, alayhi salam, il aurait été cité dans ce verset-là. Mais il y a dans la sunna des preuves encore plus claires et évidentes montrant que le premier messager, je dis bien messager, non pas prophète, nous avons vu la différence entre un messager et un prophète, vous revenez au durus précédent. Donc, le shir ici apporte des preuves montrant que le premier messager, et non pas prophète, est Nuh, alayhi salam. Donc, le verset cité par Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, et de même Cheikh Al-Uthaymeen dit rahimahullah wa thabata fi sahih min hadith ash-shafa'a, et il a été rapporté donc de manière authentique dans le hadith, un long hadith de shafa'a, de concernant ash-shafa'a, l'intercession. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit inna an-nasa ya'tuna ila nuh fa yaquluna lahu anta awwalu rasul arsalahu Allah ila ahli al-ard. Donc les gens, durant la situation affligeante, difficile du jour dernier, ils iront de prophète en prophète. Ils iront d'abord à Adam alayhi salam, en lui demandant d'intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'excusera en montrant qu'il a donc mangé de l'arbre alors que ceci était interdit. Et ils iront de prophète en prophète, de même ils iront à Ibrahim alayhi salam qui s'excusera d'avoir menti, comme ça a été évoqué dans le Coran, lorsqu'il a dit « Inni saqim, je suis malade ». Et ils iront de prophète en prophète, puis à Isa qui ne citera pas de péché. Ils arriveront ensuite, donc comme il est cité ici, ils arriveront à Nuh et diront. Donc, les gens arriveront à Nuh, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité dans le prophète, et lui diront, tu es le premier messager qu'Allah a envoyé, donc, sur terre, aux gens de la terre. Donc, Adam alayhi salam était un prophète, mais pas un messager, même s'il y a divergence sur ce point-là, mais le hadith ici est tranchant. Et vient donc juger, au sujet de cette divergence, et vient prouver que Nuh alayhi salam était le premier messager. Cheikh Al-Uthaymeen dit فلا رسول قبل نوح وبهذا نعلم خطأ خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام قبل نوح بل الذي يظهر أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل. Il dit donc, il n'y a pas de messager avant Nuh. Ce sont les paroles de Cheikh Al-Uthaymeen. Il n'y a pas de messager avant Nuh alayhi salam, et par ceci donc nous voyons l'erreur donc des historiens qui ont dit que Idris alayhi salam était avant Nuh. Mais ce qui est le plus apparent, c'est que Idris, donc ce qui apparaît, c'est que Idris fait partie des prophètes de Bani Israël et que donc il était après Nuh alayhi salatu wassalam. Je continue les paroles de Cheikh Al-Uthaymin, wa akhirul anbiya'i wa khatimuhum Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Et le dernier des prophètes et le sceau donc de ceci est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Allah subhanahu wa ta'ala dit Muhammad n'est pas le père de l'un d'entre vous, n'est pas le père de l'un d'entre vous, mais plutôt le messager d'Allah et le sceau des prophètes, donc le dernier des prophètes alayhi salatu wa salam. Et Allah est omniscient, sourate Al-Ahzab. Je continue les paroles de Cheikh Al-Uthaymin. فَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَمَنِ ادَّعَ النُّبُوَّةَ بَعْدَهُ فَهُوَ كَاذِبٌ كَافِرٌ مُرْتَدٌ عَنِ الْإِسْلَامِ. Donc il dit qu'il n'y a pas de prophète après lui. Et celui donc, qui prétend la prophétie après lui est un menteur, mécréant, un apostat qui sort donc de l'islam. Et ici il n'y a pas, hein, il n'y a pas le détail que j'ai évoqué tout à l'heure concernant celui qui dément la résurrection. Qui dément la résurrection. De manière absolue, celui qui se prétend prophète est mécréant. Même s'il n'a pas lu le Coran ou autre, car ça veut dire qu'il annule sa shahada de manière totale et absolue, puisqu'il atteste que Mohammed est le messager d'Allah et ensuite lui-même se prétend messager. Donc le shir dit, il n'y a pas de messager, il n'y a pas de prophète après lui, et celui qui prétend la prophétie après lui est un menteur mécréant, apostat qui sort donc de l'islam. Et les sahaba radiyallahu anhum, de manière consensuelle, ont statué de la mécréance de Musaylama al-Kadhdhab, de Musaylama le menteur qui s'est prétendu prophète, donc au temps du prophète alayhi salatu wassalam, et au temps du califat d'Abu Bakr radiyallahu anhum. Donc ils l'ont combattu et l'a tué al-Wahshi, celui qui avait tué Hamza radiyallahu anhu. Il a lancé sa lance en même temps qu'un autre. Et il ne sait pas, il n'était pas sûr d'avoir tué Musaylama. Et il l'a dit, si jamais c'est moi qui l'ai tué, j'ai tué donc l'un des meilleurs hommes. Et ensuite j'ai tué le pire des hommes. Avec la même lance, il a tué Hamza et Musaylama al-Kadhdhab. Wahshi radiyallahu anhu. Je reprends les paroles de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Wa kullu ummatin ba'atha Allah ilayha rasula min Nuh ila Muhammad. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un messager donc à toute communauté. À toute communauté. Cheikh Al-Uthaymin dit: "Ay anna Allah ba'atha fi kulli ummatin rasula yad'uhum ila ibadati Allah wahdahu wa yanhahum 'ani shirki." ودليل ذلك قول الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. Cheikh Al-Uthaymin dit, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à toute communauté, donc quand on dit toute communauté, c'est les humains hein, et les génies, avec un messager qui les appelle à quoi? Quelle est la fonction des messagers? Alayhimus salatu wassalam. Yad'uhum ila ibadatillahi wahdah. Donc ils appellent, ils exhortent, prêchent, donc leur peuple, à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut ajouter wahdahu, hein, de manière unique. Wa yanhahum ani shirk. Et ils interdisent, donc, d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve de cela, donc la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé donc un prophète à toute communauté, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Et il n'y a pas une communauté de manière totale, absolue, sans que un avertisseur ne soit passé parmi eux. Donc ça c'est la preuve que toute communauté a reçu un prophète. Et la parole prouvant la da'wa de ces prophètes, que la da'wa de tout prophète et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière unique, tout en délaissant le shirk, et la parole d'Allah azza wa jal, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Et nous avons envoyé donc à toute communauté un messager, donc selon lequel adorer Allah et délaisser le ta'out. Donc ça, c'est les deux piliers de la da'wa, hein, donc de tout prophète. Tous appelés à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. U'budullah wajtanibu at-taghut, et délaisser le taghut. Et on va voir, le shir va développer ce point-là. Qu'est-ce que la définition d'être taghut et qu'est-ce qui entre dans cette définition et qu'est-ce qui n'y entre pas. Donc le shir, on voit bien qu'à travers son texte, hein, il a répété de manière diverse la da'wa des prophètes alayhi salatu wa salam, qui est donc le tawhid, la da'wa au tawhid. Et de par diverses expressions. Donc, l'ibadatullah wal kufru bi taghut, c'est comme tawhidullah, hein, et le délaissement du shirk. Toutes ces expressions sont équivalentes. Hein. Toutes ces expressions indiquent la même chose, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, seul, sans associé, avec le délaissement du shirk. Et donc, quand on dit avec le délaissement du shirk, c'est un ajout. Hein, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé, est suffisante. Mais par insistance, Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que le prophète, alayhi salatu wa salam, ainsi que les savants, ajoutent cette expression-là par insistance. Donc je reviens aux paroles de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui a dit « Et toute communauté, donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à toute communauté un messager. Min Nuh ila Muhammad, ila Muhammad. Min Nuh ila Muhammad. De Nuh jusqu'à Muhammad, alayhi salatu wa salam. Ya'muruhum bi'ibadatillahi wahda. » Donc pourquoi il n'a pas cité Adam alayhi salam? Parce que Adam c'est un prophète, mais surtout parce que le shirk n'est pas apparu avant Nuh alayhi salam. L'apparition du shirk dans ce monde-là est apparue au temps de Nuh alayhi salat wa salam, lorsque des pieux Wad, hein, wa Suwa' wa Ya'uth, Ya'uq et Nasr, qui étaient cinq hommes pieux, ont été adorés après leur mort. Donc Shaitan a embelli donc l'adoration de ces gens-là au peuple qui sont arrivés après. Et donc dans ce contexte-là, Nuh alayhi salam a été envoyé donc comme messager. Ce qui confirme la parole, hein, que nous avions citée, selon laquelle la différence entre un messager et un prophète, c'est que le messager est envoyé à un peuple mécréant, alors que le prophète est envoyé à un peuple qui est toujours croyant, même s'il y a eu des déviances, mais il reste dans la croyance. Et il y avait d'autres paroles, et toutes ces paroles, hein, sont acceptables et trouvent leur preuve dans le Coran et la Sunna. Ya'muruhum bi'ibadatillah. Je continue les paroles de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc qu'est-ce que fait ce prophète? Il leur ordonne l'adoration d'Allah, wahdahu, donc de manière unique, wa yanhahum an ibadati at-taghut, et il leur interdit l'adoration du taghut, wa dalil qawluhu ta'ala, et la preuve de ceci est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut, et nous avons envoyé à toute communauté un messager leur disant quoi? Adorer Allah et délaisser le taghut. Sourate An-Nahl, sourate les abeilles. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والايمان بالله. Et Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire donc à tous ses serviteurs, donc à toute l'humanité, el kufra bit-taghut, mais croire au taghut, et el iman billah, et croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est quoi? C'est at-tawhid. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est dans el iman billah, et le délaissement du shirk dans toutes ses formes, c'est el kufr bit-taghut. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah. Donc Ibn al-Qayyim va nous donner une définition du taghut. Car at-taghut, c'est donc une expression qui a été défini de manière différente par les salafs. Et nous avions déjà dit que les salafs, rahimahumullah, lorsqu'ils donnent une définition, souvent, yadkuruna fardan min afradil am. Ils évoquent une unité, des unités composant un terme général. Et ils ne visent pas par cela, donc, l'exhaustivité, c'est-à-dire que cette expression est définie par cette unité et par aucune autre. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, lorsque Omar ibn al-Khattab dit at-taghut ash-shaytan, مثلاً, ou que d'autres disent at-taghut, c'est al-asnam, hein, ce sont les statues et d'autres expressions, tout ceci ne veut pas dire qu'ils définissent at-taghut par al-shaytan, comme le dit Omar, et rien d'autre. Non. Ils définissent souvent par ce qui est principal, par une unité, des unités composantes cette généralité. Donc Ibn al-Qayyim, rahimahullah, lui, a défini at-taghut par une définition qui rassemble toutes ces unités, toutes les unités du Tarout en disant ma tajawaza bihi. Donc at-Tarout yaqul ibn al-Qayyim rahimahullah at-Tarout ma tajawaza bihi al-'abd haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Donc at-Tarout selon Ibn al-Qayyim rahimahullah c'est ce par quoi le serviteur dépasse la limite permise, imposée, dépasse la limite, outrepasse la limite concernant donc quelqu'un, donc un adoré, quelqu'un ou quelque chose, un adoré, au matbou, quelqu'un de suivi, quelqu'un ou quelque chose de suivi, au muta', ou bien quelque chose ou quelqu'un à laquelle il obéit. Donc, la notion de Tarout ibn al-Qayyim tourne autour de trois points essentiels. Le premier, c'est al-ibada, l'adoration. L'adoration. Le second, c'est al-ittiba', le suivi. Et le troisième, c'est at-ta'a, donc qui est l'obéissance. Donc lorsqu'une personne adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien quelque chose, ou bien quelqu'un avec Allah subhanahu wa ta'ala, cette chose-là devient pour cette personne-là un tarout. Un tarout. Et est-ce que l'on va conditionner que la personne agrée cette adoration ou pas? Si jamais la personne agrée donc cette adoration, c'est un tarout de manière claire. Mais si jamais elle n'agrée pas ça comme un ange ou bien comme un prophète, est-ce qu'on peut le qualifier de tarout ou pas? Les savants divergent là-dessus. Certains disent qu'on ne peut pas qualifier un prophète comme étant un tarout de manière absolue et totale. De manière absolue et totale. Tu ne peux jamais dire « Issa, c'est un tarout pour les chrétiens ». Et ce en quoi tu dois mécroire, c'est l'adoration donc de Issa, alayhi salam. Et d'autres disent que évoquer Issa comme étant un tarout de manière indépendante, sans mettre ça en lien avec l'adoration des chrétiens, bien sûr que c'est interdit, car c'est un nabi min al-anbiya. Mais si l'on prend en considération donc les chrétiens, les gens qui adorent Issa, pour eux, na'am, c'est un tarout. Pour eux, c'est un tarout. Comme c'est un ilah pour eux, c'est un dieu pour eux, une divinité, alors qu'il n'est pas en lui-même une divinité. Tout comme une statue est une divinité pour quelqu'un qui l'adore, alors qu'en elle-même, fi dhatiha, en elle-même, ce n'est pas une divinité. Donc, concernant quelqu'un de pieux, un ange, un prophète ou autre, est-ce qu'on peut le qualifier comme étant tarout? Il y a divergence là-dessus. Voilà, ilmu indallah, moi, ce que je pense le mieux, surtout avec des gens qui ne comprennent pas ce type d'expression, il ne faut pas utiliser ce mot-là. Donc, Ibn al-Qayyim, je rappelle sa définition qui est très importante et qu'il faut essayer d'apprendre. Bihawlillahi azza wa jal. Donc, at-tarout, c'est ce par quoi le serviteur dépasse donc la limite en termes d'adorer, en termes de suivi et en termes de quelqu'un ou quelque chose à qui il obéit. وَالطَّوَارِيْتُ كَثِيرَةٌ dans une version de ce متن كَثِيرُونَ et les tawarit qui est donc le pluriel de tarout, كَثِيرَة sont nombreux. Donc at-tarout, ça c'est مُشْتَقٌ مِنَ الطُّغْيَانِ c'est pris d'un masdar qui est at-tughyan qui est le fait d'outrepasser, l'outrepassement. Tarout, c'est pris de ça. C'est fa'alout minat torien. C'est pris du torien qui est le fait de dépasser une limite imposée. Ça, c'est dans la langue arabe. Et dans le char', nous avons donné la définition qui est donc la, sans doute la meilleure et qui rassemble toutes les unités composantes du tarout, celle d'Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi. Et le pluriel de tarout, c'est tawarit. Le pluriel de tarout, c'est tawarit. Et tarout, on peut l'utiliser en féminin comme en masculin. On peut l'utiliser en féminin comme en masculin, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait dans son livre, dans le Coran. Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab dit « وَالطَّوَارِيْتُ كَثِيرَةٌ وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ » Donc les tawarites sont nombreux, mais leur tête, donc principale, les tawarites principales sont, ou bien principaux, sont au nombre de 5. والطواريت شيخ العثيمين دي جمع طاغوت وسبق تفسيره c'est le pluriel de طاغوت ورؤوسهم et leur tête اي زعماءهم ومقلدوهم خمسة donc les principaux sont au nombre de 5. Le premier que cite Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab rahmatullah alayh Iblis لعنه الله Iblis, qu'Allah le maudisse. Cheikh Al-Uthaymin dit, Iblis, هو الشيطان الرجيم, اللعين الذي قال الله له, وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. Iblis, donc, est Satan, le lapidé, le maudit, celui au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. Et ma malédiction est sur toi, jusqu'au jour de la rétribution, surat Sad. وكان Iblis مع الملائكة في صحبتهم يعمل بعملهم. Et Iblis était dans la compagnie des anges et pratiquait leurs pratiques. Il faisait les mêmes actes que ces derniers. ولما أمر بالسجود لآدم ظهر ما فيه من الخبث والإباء والاستكبار فأبى واستكبر وكان من الكافرين فطرد من رحمة الله عز وجل. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. سورة البقرة. Il dit, lorsqu'il lui fut ordonné de se prosterner devant Adam, alayhi salam, donc ce qu'il avait en lui, donc comme mal et comme désobéissance et orgueil apparut. Donc il s'enorgueillit et fit partie des mécréants et il fut jeté, rejeté de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Baqarah. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, sauf Iblis, donc ce qui ne veut pas dire qu'il était donc un ange, comme on peut le croire, d'après le caractère apparent de cette ayah-là, mais c'était un djinn, et non pas comme prétendent les chrétiens, un ange. « Fasajadou, ils se prosternèrent, sauf Iblis, Abba, il refusa, wastakbara, et s'enorgueillit, wa kana min al-kafirin, et il était parmi les mécréants. » Donc Iblis, sa mécréance n'est pas une mécréance donc de tekdhib. C'est pas un kufr de tekdhib. C'est pas une mécréance de rejet d'information. Hein, nous avions dit que ce qui est dans le Coran ou la Sunna, il y a al-khabar, qui est donc le déclaratif, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne comme information. Et ça, yuqabiluhu al-tasdiq ou al-tekdhib. Et ceci, l'individu, donc, le reçoit soit en le confirmant, c'est at-tasdiq, soit en le rejetant, c'est at-takdhib, donc en démentant l'information. Iblis n'a pas démenti les informations d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il a rejeté l'ordre. Donc ça, c'est une autre forme de kufr, kufr al-iba, wal-istikbar. C'est une forme de kufr qu'on appelle le kufr du rejet et de l'enorgueillissement. Et c'est le kufr de Iblis. Mais Iblis, si tu le demandes, est-ce qu'Allah existe, est-ce que les anges existent, tu le questionnes au sujet de ces informations-là, du paradis, de l'enfer, du jour dernier, il a cette croyance-là. Donc ce kufr-là montre bien que le kufr peut avoir lieu par la pratique. Et contrairement aux Jahmiya, Murji'a qui disent que donc cette mécréance-là, cet acte-là est une preuve de sa mécréance intérieure. Ce qui est faux. La mécréance de Iblis a eu lieu au niveau de l'acte. Donc, nous revenons à la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Les têtes des Tawarit sont au nombre de 5. Le premier, Iblis, la'anahullah. Et Iblis, c'est la tête des adorés parmi les mécréants. Les mécréants, tous adorent de près ou de loin Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Alam a'had ilaykum ya bani Adama alla ta'budu shaytan. Ô fils d'Adam, n'ai-je pas pris comme contrat avec vous que vous n'adoriez pas Shaytan. Donc Shaytan est la grosse tête des Tawarit et c'est lui qui est la source donc de tous ces égarements là. La deuxième tête citée par le Cheikh rahimahullah, wa man 'ubida wa huwa rad. Celui qui est adoré donc tout en agréant ce fait là, cet état là qu'il est agréé. Comme les shuyukh des tariqa, qui se réjouissent de voir les gens les adorer, de voir les gens donner la priorité à leurs paroles sur les paroles d'Allah et du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils se réjouissent de voir les gens se prosterner, leur embrasser les pieds, et autres formes d'adoration qu'Allah nous en préserve. Donc, Cheikh Al-Uthaymin dit, « Ey, ubida min dunillah wa huwa radin. » أن يعبد من دون الله فإنه من رؤوس الطواغيت والعياذ بالله وسواء عبد في حياته أو بعد مماته إذا مات وهو راض بذلك. Donc Cheikh Al-Uthaymeen dit, c'est-à-dire qu'il est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala tout en agréant cela. Donc ici, dans cette deuxième tête des Tawarites, on ne fait pas entrer ici donc les anges ou les prophètes ou autres adorés qui n'agréent pas donc cette adoration-là. Je continue les paroles de Cheikh Al-Uthaymeen. Il dit donc, celui qui est adoré en dehors d'Allah et qui agrée ceci. C'est-à-dire qu'il soit adoré en dehors d'Allah. فَإِنَّهُ مِنْ رُؤُسِ الطَّوَارِيتِ. Il fait partie des têtes des Tawarites, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ qu'Allah nous protège, وَسَوَاءً عُبِدَ فِي حَيَاتِ. Et ceci est équivalent, c'est pareil. S'il est adoré durant sa vie, tout en agréant cela, ou bien après sa mort. C'est-à-dire, il avait par exemple dit à ses élèves, à ses adeptes, hein, qu'après ma mort, il faut que vous continuez à m'adorer. Il avait écrit dans son testament de construire une qubba, de construire une coupole sur sa tombe afin que les gens viennent égorger au niveau de sa tombe ou bien l'adorer, se prosterner, s'essuyer contre sa tombe ou tout autre acte entrant dans Shirk al-Akbar. Donc cette catégorie-là aussi fait partie des têtes des Tawarites. Et ils existent encore, il ne faut pas croire qu'ils n'existent pas. Notamment dans le Maghreb, on trouve beaucoup de personnes de ce type-là. Et ces personnes-là n'extériorisent pas tout de suite ce statut-là. Hein, à Sofia, il faut savoir, notamment lorsque la da'wa du Haqq prend du terrain, se rabattent et se cachent et font leur shirkiyet en coulisses. Et ils ne peuvent pas, car ils savent très bien que leur pratiques vont à l'encontre de la fitra des gens. Et que même le musulman de base, hein, le plus ignorant qu'il soit, ne peut tomber dans ce type de shirkiyet, hein, de manière instantanée tout de suite. Donc ils vont passer par une première étape qui est créer de la mahabba et de l'amour entre le cheikh et l'adepte. Et parfois, en faisant des œuvres caritatives, ou bien par l'enseignement, en prenant soin de toi, t'enseignant le Coran, la langue arabe ou autre. Et puis ensuite, une fois que ton cœur hein, s'est attaché à ce type de personne, alors il dévoile à ce moment-là des actes hein, qui vont entrer peut-être dans un premier temps dans les bid'a amaliya, dans les innovations d'actes, jusqu'à arriver dans al-shirkiyat, si jamais ce sont des tariqas hein, qui prônent cela. Troisième catégorie des Tawarites, troisième tête des Tawarites cités par Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, wa man da'a an-nas ila ibadati nafsi. Donc troisième catégorie, celui qui appelle les gens à l'adorer. Celui qui appelle les gens à l'adorer. Donc ces deux catégories là sont proches. Celui qui est adoré tout en agréant cela et celui qui appelle les gens donc à l'adorer. Donc même s'il n'est pas adoré. La différence quand même entre les deux catégories, c'est que le premier, lui, il est adoré. وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَدْ. Il est adoré. L'adoration est concrétisée, elle s'est réalisée et il agrée cela. Donc si jamais il rejette cela, est-ce qu'il entre dans At-Tawarit ? Non, il n'entre pas là-dedans, hein, selon une définition des Shuyur. Donc le prophète, alayhi salatu wasalam, aujourd'hui est adoré. Le prophète, alayhi salatu wasalam, aujourd'hui est adoré par certains mécréants. Donc, cette catégorie suivante, وَمَنْ دَعَ النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِ, c'est celui qui appelle à ce que les gens l'adorent, humain ou bien génie. Cette personne-là, même si les gens ne répondent pas de manière positive à son appel, فَهُوَ طَارُوت وَكَافِرْ كَذَلِكَ, et c'est un mécréant. Donc nous arrivons à un point, est-ce que tout طَارُوت est kafir? Est-ce que tout طَارُوت est kafir? De manière générale, non. Pas obligatoirement. Tout tarout n'est pas kafir. Pourquoi? Parce que dans at-tarout, il y a at-tarout al-aqil, il y a at-tarout ghayr al-aqil. Il y a le tarout qui est doué de raison, humain ou génie, et il y a le tarout qui n'est pas doué de raison. Donc est-ce qu'on dit qu'une statue est kafira? Est-ce qu'une statue elle est qualifiée de musulmane ou de mécréante? Non. Mais est-ce qu'elle est qualifiée de tarout? Non. Est-ce qu'il y a démocratie, c'est tarout? Oui. Est-ce qu'il y a démocratie, elle est mécréante ou elle est musulmane? On dit c'est de la mécréance. Mais est-ce qu'elle est qualifiée, elle, comme étant mécréante ou musulmane? Non. Donc, un tarout, à la base, du fait qu'il rassemble donc des notions douées de raison et d'autres pas douées de raison, on ne dit pas que tout tarout est kafir. Mais concernant celui donc qui est adoré, on regarde est-ce qu'il agrée ou pas. S'il agrée le fait qu'il est adoré, فَهُوَ تَارُوتْ kafir. Mais s'il n'agrée pas cela, il n'agrée pas le fait qu'il est adoré. Est-ce que c'est un tarout? J'ai dit, il y a détail. Est-ce qu'on peut dire que Isa est un tarout? Comme ça. Isa tarout. Non, ça c'est même du kufr, celui qui dit ça. Isa nabiyun min al-anbiya. Mais Isa tarout fi haqqin nasara. Isa est un tarout pour les chrétiens. Est-ce qu'on peut dire cela? Divergence. Il y en a qui te disent non, tu le dis pas. Même ça, tu ne le dis pas. D'autres disent que oui, tant que c'est en lien avec al-nasara. Donc, وَمَنْ دَعَ النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ Cheikh Al-Uthaymeen dit, أي من دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه Même si les gens ne l'adorent pas, Cheikh Al-Uthaymeen dit, فَإِنَّهُ مِنْ رُؤُسِ الطَّوَارِيدِ Il fait donc partie des têtes des tawarites, سَوَاءً أُجِيبَ لِمَا دَعَ إِلَيْهِ أَوْ لَمْ يُجِيبَ Il dit même, donc il fait partie des têtes des tawarites, qu'on ait répondu donc à son appel, donc au fait de l'adorer, ou même si on n'a pas répondu donc à cet appel-là. Quatrième catégorie, وَمَنِ اِدَّعَ شَيْءًا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ Celui qui prétend avoir quelque chose de la science de l'invisible. Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah dit Al-ghaybu ma ghaba 'anil insani wa huwa naw'an. Il dit l'invisible c'est ce qui donc échappe à l'être humain. Et ceci est de deux types. Il dit waqi'un wa mustaqbal. Il dit présent, il y a l'invisible donc qui est présent wa mustaqbal et donc l'invisible qui est futur. Il dit fa ghaybu al-waqi'i nisbi yakunu li shakhsin ma'luman Il dit donc l'invisible, donc du présent, c'est donc du présent, c'est-à-dire de quelque chose qui est concrétisé. Il dit l'invisible du présent, il est relatif. Il peut être pour une certaine personne connu, et il peut être pour une autre inconnu. Donc comme le fait par exemple une information concernant quelque chose qui a lieu maintenant. Comme maintenant la température dans une capitale d'un pays lointain. Si je n'ai pas été en lien avec quelqu'un, par exemple, hein, qui est là-bas et qui m'a dit ça par téléphone, c'est-à-dire sans aucune information, quelqu'un prétendant connaître cela, hein, il rentre dans cette catégorie-là. Il rentre dans la catégorie de quelqu'un qui prétend connaître de l'invisible. Mais est-ce que cette chose-là, donc fait partie de l'invisible pour quelqu'un qui est présent dans cette ville-là. Lui, il connaît cette température-là en regardant le thermomètre. Mais quelqu'un qui n'est pas présent là-bas ne peut pas le savoir. Ou de même, la présence d'une personne ou pas dans une pièce. Par exemple, est-ce que ma grand-mère, qui est en ce moment au bled, en ce moment, est-ce qu'elle est dans le salon, assise ou pas? Et sans aucune information, sans me mettre en lien avec eux par téléphone ou autre, je dis oui, elle est présente là. Ça, c'est dia ilm al-ghayb. Ça fait partie de la prétention de connaître l'invisible. Mais les personnes qui sont en ce moment-là, même hein, la famille qui sont dans la maison à ce moment-là, savent si la grand-mère ou pas née et dans le salon ou pas. Donc, c'est un ghayb nisbi. C'est une notion invisible, mais qui est relative. Et la deuxième catégorie donc, de l'invisible, il dit, Cheikh Al-Uthaymeen, wa ghayb al-mustaqbali haqiqi la yakun ma'louman li ahadin illa إلا الله وحده أو من أطلعه عليه من الرسل فمن ادعى علمه فهو كافر لأنه مكذب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. Il dit donc l'invisible futur, donc il n'est pas relatif. Ça c'est al-ghayb futur, il est absolu et donc il est réel. Il dit il ne peut être connu de quelqu'un. Si ce n'est d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, ou bien de quelqu'un à qui il a montré cet invisible-là parmi ses messagers, alayhimu salatu wa salam. Il dit donc, celui qui prétend la connaissance de cet invisible-là, l'invisible futur, il est donc mécréant car il dément Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ dit, seul parmi ceux qui sont dans les cieux et la terre connaissent l'invisible sauf Allah. Et on peut traduire d'une autre manière car la grammaire arabe accepte les deux. Dit personne ne connaît l'invisible, donc de ce qui est dans les cieux et la terre, si ce n'est Allah. Sourate An-Naml. Donc concernant les dates, par exemple de fin du monde, hein, celui qui prétend cela, c'est un mécréant, car il prétend connaître l'invisible. Et de même celui qui croit en cette information. Puis la cinquième catégorie, donc dans les têtes des Tawarit, cité par Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab, وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ est celui qui juge par autre que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu. Donc il juge par autre que le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une notion qui est longue, qu'on ne va pas pouvoir développer de manière détaillée dans ce cours-là, notamment du fait des shubuhat, hein, de certaines personnes, soit qui n'ont pas compris de manière profonde ce point-là, même s'ils se sont, il se peut que ce soit des grands savants, mais une fois que le haq est établi, hein, la parole, si elle n'est pas authentique, elle est réfutée, comme il a été enseigné par le prophète alayhi salatu wassalam, et comme l'ont pratiqué les sahaba radiyallahu anhum et tous les ulamars banin jusqu'à nos jours. Donc c'est un point qui est extrêmement clair, ça, au temps des sahaba radiyallahu anhum, et jusqu'à notre époque, c'est un point consensuel, et le détail que nous allons citer était la seule parole existante jusqu'à il y a à peine quelques années. Donc quel est le statut de celui qui juge par d'autres lois que celles descendues par Allah subhanahu wa ta'ala? Donc qu'est-ce que l'on veut dire d'abord par juger par d'autres lois qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Qui sont les gens concernés par cela? Ce sont d'abord de manière prioritaire les gouverneurs, les gens qui gouvernent, donc un pays, une tribu, et qui donc font ce qu'on appelle fadlun niza'at, al-faslu fi niza'at, qui donc juge et tranche dans les sujets de dispute. Donc al-hukm concerne ces gens-là, les gouverneurs, concerne aussi les juges, donc des tribunaux, et concerne aussi toute personne donc qui va trancher, hein, qui va trancher et qui aura devant lui soit le fait de trancher par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien par une autre loi que celle édictée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc n'entre pas dans cette catégorie comme veulent le faire croire certains, hein, qu'une personne, par exemple, qui se rase la barbe, a jugé par une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il avait devant lui soit le fait de laisser pousser sa barbe, ou bien soit le fait de la raser. Alors il a choisi une autre chose que la loi descendue par Allah. Donc, حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ. Non, ça c'est le tafsir des Khawarij, ça. Les Khawarij avaient ce tafsir-là. Que toute personne ayant fait un péché est quelqu'un qui a jugé par une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, le jugement dans ce contexte-là, dans Surat al-Ma'idah, c'est celui qui tranche donc dans les sujets de dispute, ou bien qui édicte des lois. Yushari', donc qui légifère. Donc entre là-dedans la législation et le fait de juger aussi. Mais n'entre pas là-dedans tous les pécheurs. Hein, donc celui qui serre la main à une femme, حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ. Non, les ulamas jamais n'ont expliqué ce chapitre-là de cette manière-là. Tu ne trouveras aucun écrit de savant, du premier qui a traité ce point-là jusqu'à aujourd'hui, hein, les savants traitant donc الْحُكْمْ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ dans le sens du péché. Dans le sens du péché. Le حُكْمْ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ était le synonyme du péché du ذَنْبْ chez Al-Khawarij. Et aussi aujourd'hui chez certains qui, voulant justement s'enfuir donc du madhab des Khawarij, sont tombés dans un autre madhab qui est aussi un madhab égaré. Pour beaucoup, ils sont soit dans l'irja, se sont devenus des murji'a vraiment, ou bien d'autres ont des paroles en accord avec l'irja, ou du moins, ce dont on est sûr, c'est qu'ils ne sont pas al jadda fi hadha al-bab, c'est qu'ils ne sont pas selon la voie des salafs concernant le tafsir de cette parole-là, même si il s'appuie sur des expressions d'Ibn Hazm dans son livre Al-Fisal ou autre, ou bien de l'imam Al-Ajuri, pouvant amener à croire que Al-Hukm bighayri ma anzalallah est le synonyme de Al-Dhanb. Et cette choubha-là, on la développera, si on fait l'explication de Nawaqid al-Islam, on la développera de manière profonde afin que l'on comprenne le sens de cette choubha-là. Donc, Al-Hakim, dans ce sens-là, le gouverneur, le juge, et toute personne donc qui va trancher dans des litiges. Toute personne qui va trancher dans des litiges ou bien émettre des lois, légiférer. C'est dans ce sens-là. Donc ce n'est pas l'acteur, hein, celui qui agit comme ça de manière absolue. Donc, quel est le détail de celui qui juge par d'autres lois que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala? Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dit « Al-hukmu bima anzalallahu ta'ala min tawhid al-rububiyya » Le jugement par les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala descendu fait partie de tawhid al-rububiyya, du tawhid de la seigneurie. « Li'annahu tanfidhun li hukmi Allahi alladhi huwa muqtada rububiyyatih » وكمال ملكه وتصرفه ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعيهم فقال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون الشيخ رحمه الله دي العثيمين dit donc que le jugement, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu, fait partie du tawhid de la seigneurie. Car, donc, c'est l'application de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est donc l'implication, qui est l'implication de sa seigneurie. Qui est l'implication de sa seigneurie. Car effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala a créé donc cet humain-là. Il le possède, le gère, et de même pour cet univers. Donc, ceci implique que c'est lui qui édicte les lois. Ceci implique que c'est lui donc, qui a descendu des lois et qu'elles doivent être appliquées. Ceci, il dit aussi, c'est une implication de Kamal Mulkihi, donc de la complétude de son royaume, de sa possession. Wa tasarrufi, et aussi de sa gestion, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a appelé ceux qui sont suivis dans d'autres lois que celles qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a édictées. Il les a appelés Arbab, qui est le pluriel de Rab. Et Rab, ça veut dire quoi? Dans le Shara. Dans le shara, dans le Coran et la Sunna, ça veut dire ma'boud, ma'boud, ma'boud. Al-marboud bima'na al-ma'boud, donc l'adorer. Faqala subhana, Allah a dit, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum. Parlant des gens du livre, ils ont pris donc leur personnalité religieuse, leur rabbin, leur savant, ils les ont pris arbabam min dunillah. Ils les ont pris donc comme arbab, donc comme divinité. Comme divinité. Min dunillah. Donc comme seigneur, mais aussi comme divinité. Et on va voir pourquoi est-ce qu'ils les ont pris comme divinité. Car Ar-Rab, c'est une divinité. Et aussi, ça a le sens de la seigneurie. Ici, ils les ont donc pris comme seigneur, mais aussi comme ma'boud, comme adoré. Min dunillah, en dehors d'Allah. Wal-Messih ibn Maryam. Et aussi le Messie, fils de Marie. Wa ma umiru illa liya'budu ilahum wahida. Et il ne leur a été ordonné d'adorer qu'un seul Dieu, qu'une seule divinité. Donc, Cheikh Al-Uthaymin dit que Tawhid, que Al-Hukm, Bima Anzal Allah, fait partie de Tawhid Al-Rububiyya. Et on ajoute, ça fait aussi partie de Tawhid Al-Uluhiyya. Par quel délil ce verset-là? Qu'est-ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala après avoir cité ces gens-là qui suivaient donc leur personnalité religieuse dans ce qu'ils rendaient licite ou bien rendaient illicite? Il a dit, Wa ma umiru illa liya'budu. Illa ilaha wahida. Et il ne leur a été ordonné, il leur a été ordonné d'adorer qu'une seule divinité. La ilaha illahu. La ilaha al-ilah wa al-ma'luha al-ma'boud. La ilaha illahu. Pas de ilah, pas d'adorer. Sauf lui. Subhanahu amma yushirikoun. Gloire et pureté à lui par rapport à ce qu'ils associent. Ils associent dans quoi? Dans Rububiya? Oui. Mais aussi dans quoi? Dans Al-Uluhiya. C'est pour ça que Cheikh Mohamed Al-Amin Shankiti dit dans Adwa al-Bayan que ceci entre dans Tawhid al-Uluhiyya et il dit que la législation en dehors d'Allah est équivalente à la prosternation donc devant une statue pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je continue les paroles de Cheikh Al-Uthaymin qui dit فَسَمَّ اللَّهُ تَعَلَى الْمَتْبُوعِينَ أَرْبَابًا حَيْثُ جَعَلُوا مُشَرِّعِينَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى وَسَمَّ المتبعين عبادا حيث إنهم ذلوا لهم أطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a cité ceux qui étaient suivis, donc les personnalités religieuses des gens du livre. Ceux qui étaient suivis les a cités comme étant des arbab, seigneurs, mais aussi des divinités. Pourquoi? Parce qu'ils se sont positionnés comme législateurs avec Allah subhanahu wa ta'ala ou bien en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parmi donc ces noms, Al-Hakam, Al-Hakam, aussi Al-Hakim, Allah al-Hakim. Donc c'est lui qui aimait al-Ahkam, c'est lui qui aimait les statuts, les jugements, subhanahu wa ta'ala. Je continue les paroles de Cheikh Al-Uthaymeen. Wa samma al-muttabi'in 'ubadan. Et il a appelé Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans ce verset-là, al-muttabi'in, ceux qui suivent, hein, les gens du livre qui ont suivi, donc leur personnalité religieuse dans ce qu'ils rendaient licite ou interdit, 'ubadan. Il les a appelés donc comme étant des adorateurs. Pourquoi? Parce qu'ils se sont donc soumis donc à leur personnalité religieuse et leur ont obéi dans le fait d'aller à l'encontre des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد قال عدي ابن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم انهم لم يعبدوهم. حاتم, donc عدي ابن حاتم, qui était chrétien auparavant, lorsqu'il a entendu ce verset là il a dit au prophète alayhi salatu wasalam, mais ils ne les adorent pas, car lui comprenait à ce moment-là que l'adoration, simplement, c'était l'adoration connue par tout le monde, le fait par exemple d'égorger pour autre qu'Allah, se prosterner, s'incliner ou autre. Mais il ne pensait pas que suivre donc quelqu'un dans le halal et le haram, et dans un halal haram qui va à l'encontre de celui établi par Allah subhanahu wa ta'ala, rentre dans la ibadah. Donc il a dit au prophète alayhi salatu wa salam, il ne les adore pas. Dans une version, inna lasna na'buduhum, on ne les adorait pas, car lui était chrétien auparavant. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bal innahum harramu alayhim al-halal wa ahallu lahum al-haram fattaba'uhum fatilka ibadatuhum iyyahum. Il dit, mais plutôt ils leur ont rendu illicite donc le licite. Ce qui était halal, ces personnalités religieuses disaient c'est haram, et ce qui était haram, ils l'ont rendu licite. Fattaba'uhum, et ils les ont suivis. Fatilka ibadatuhum iyyahum, donc telle est leur adoration. Il dit, فَإِذَا فَهِمْتَ, Cheikh Al-Uthaymeen dit, إِذَا فَهِمْتَ ذَلِكَ فَعْلَمْ أَنَّ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَأَرَادَ أَنْ يَكُونَ التَّحَاكُمَ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرَدَتْ فِيهِ آيَاتٌ بِنَفْيِ الْإِيمَانِ عَنْهُ وآيات بكفره وظلمه وفسقه. Il dit, si tu comprends ceci, alors sache que celui qui juge par d'autres lois que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala et veut donc que le jugement revienne à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam, des versets donc ont été cités par Allah subhanahu wa ta'ala rejetant la foi de celui-là. Et le rejet, c'est un rejet de la base de la foi, de la complétude obligatoire ou bien de la complétude recommandée. De la base de la foi, sauf s'il y a un délil qui vient montrer cela, et il n'y en a pas. Donc ensuite, il cite des versets, rahimahullah. Il dit par exemple la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ. Ne vois-tu pas ceux qui prétendent? Allah a dit ceux qui prétendent. Donc la prétention ne se dit, comme a dit Cheikh Sa'di rahimahullah, de manière générale, que dans une, donc quelque chose qui est en réalité un mensonge. Donc la prétention, c'est une parole qui n'est pas véridique. Ne vois-tu pas ceux qui prétendent qu'ils ont cru en ce qui a été descendu sur toi et ce qui a été descendu donc avant toi, et qui veulent prendre comme juge. Un yatahakam, attahakum, c'est prendre comme juge. Al-hukm, c'est juger. Yuriduna un yatahakam ila tarout. Ils veulent prendre donc comme juge le tarout. Qu'est-ce que tarout? Ce sont d'autres lois que celle établie par Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Et il leur a été ordonné de mécroire au tarout. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Et Shaitan veut les égarer un égarement lointain. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. Et lorsqu'on leur dit, venez à ce que Allah a descendu et au messager donc. Et à la sunna, رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. Tu vois donc les hypocrites donc s'éloigner de toi. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. Alors qu'en est-il lorsque donc une catastrophe, un problème les touche de par ce que ont fait leurs mains, puis ils viennent à toi et ils jurent par Allah qu'ils ne voulaient que le bien et à tawfiq, la permission. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Tels sont ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans le cœur. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. Détourne-toi d'eux. وَعِذْهُمْ. Et donc, Sermonne-les. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Et dis-leur, donc, en leur personne, des paroles, donc, touchantes. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah. Le contexte de ces versets, il est important. Hein, beaucoup de gens, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Après, il rapporte une compréhension complètement à côté de ces versets-là. Il faut bien lire ces versets, comprendre, hein, d'abord, l'esprit de la sourate. L'esprit de sourate al-Nisa, l'esprit de sourate al-Ma'ida. Hein, ces versets, comment est-ce qu'ils ont été cités, dans quel contexte, et surtout pourquoi est-ce qu'ils sont descendus, mais nous ne pouvons pas développer tout cela, hein, dans cette assise. Mais qu'est-ce que dit Allah ici? Donc après avoir cité donc la mécréance de ces gens-là qui veulent prendre comme jugement d'autres lois que celles descendues par Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il ne parle même pas encore de celui qui légifère, qui invente des lois. C'est at-tahakum. Les lois sont déjà existantes. Il dit, moi je ne prends pas comme jugement le Coran, je veux la Torah. Ou je ne prends pas comme jugement le Coran, la Sunna, je veux l'Évangile. Ou bien je veux les lois d'un pays qui n'applique pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que ces gens-là prétendent croire à ce qui a été descendu sur le prophète alayhi salatu wa salam, ce qui implique donc que ce sont des mécréants. Qu'est-ce qu'il dit ensuite Allah? Il dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Il donne l'objectif et l'esprit même de l'envoi des prophètes. Pourquoi ils ont été envoyés ces prophètes? Pourquoi est-ce qu'ils ont été envoyés? Pour que on leur obéisse. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. Et si lorsqu'ils avaient fait de l'injustice à leur personne, une petite ou une grande injustice, هذا ظلم أصغر, c'est une petite injustice, prendre d'autres lois que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala comme juge. Hein? Il dit, moi je ne veux pas trancher dans ce litige par le Coran et la Sunna. Moi je veux trancher par d'autres lois que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une grande injustice envers sa personne, c'est-à-dire du kufr. Et si jamais, lorsqu'ils avaient fait injustice à leur personne, ils étaient venus à toi et ils avaient demandé pardon à Allah et demandé pardon au messager, ils auraient trouvé Allah, donc tawwaban, acceptant le repentir, rahima, tout miséricordieux. Qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala ensuite? Fala wa rabbika la yu'minun. Non, par ton Seigneur, la yu'minun, ils ne sont pas croyants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a rejeté la base de la foi concernant ces gens-là, cités auparavant, et désormais Allah établit une règle générale. La yu'minun, ils ne croient pas. Donc Allah a rejeté la base de la foi, j'insiste. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge dans leur sujet de dispute. Thumma la yajidu fi anfusihim. Puis ensuite, ils ne trouvent pas dans leur personne harajan, de désagrément. Mimma qadait. Mimma qadait, donc dans ce que tu as donc tranché comme jugement. Wa yusallimu taslima, et qu'ensuite ils se soumettent de manière totale et absolue. Cheikh Al-Uthaymin dit rahmatullah alayh. Il dit la yasihu al-iman illa bi thalathati umur. Donc je n'ai pas pris la phrase depuis le début, je la prends depuis le début. Thumma aqsama ta'ala. Puis Allah a donc juré bi rububiyyati. Il a juré par sa seigneurie. Fala wa rabbika. Il a juré par sa seigneurie. Li rasulihi allati hiya akhassu anwa'i ar-rububiyyah wallati tatadammanu al-isharata ila sihhati risalatihi sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a juré par donc sa seigneurie à son messager sallallahu alayhi wa sallam, donc sa seigneurie qui est donc le caractère le plus spécifique de sa seigneurie, wallati tatadammanu al-ishara ila sihhati risalati, et qui aussi implique donc contient l'information donc que le message donc du prophète alayhi salatu wa sallam est véridique. Il a dit fala wa rabbika. Il n'a pas dit « wa rububiyyati ». Allah, il n'a pas dit « oh non, par ma seigneurie ». Mais il a dit « par ton seigneur, oh toi, Muhammad ». Donc, « aqsama biha qasaman mu'akkadan » ou « mu'akkidan ». Donc, il a juré pour insister « annahu la yasihu l'iman illa bi thalathati umur ». Donc, la foi n'est pas authentique, si ce n'est par trois choses. « al-awwal, an yakuna at-tahakumu fi kulli niza'in ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ». Donc, le jugement se fasse dans tout sujet de dispute. Cheikh Al-Uthaymin dit, ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, donc tout jugement doit être ramené au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Thaniyan, ceci ne suffit pas. Ceci ne suffit pas pour que la foi soit authentique. La seconde, donc notion qu'il faut absolument concrétiser, an tanshariha as-suduru bi hukmi, que les poitrines donc soient ouvertes, acceptent le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa la yakunu fi an-nufusi harajun wa dayqun min, et qu'il n'y ait pas donc dans les poitrines, dans les personnes, haraj, du désagrément et de l'étroitesse quant au jugement du prophète alayhi salatu wa sallam. Troisième point sans lequel la foi n'est pas authentique, an yahsul at-taslim bi qabul ma hukima bih wa tanfidhuhu bidun tawanin aw inhiraf, et donc qu'il y ait une soumission par l'acceptation de ce qui a été jugé, par son application de suite et sans déviation, sans déformation. Donc il faut ces trois choses-là. Ça, c'est une chose sans lesquelles la foi de la personne n'est pas authentique. N'est pas authentique. Donc il dit « wa amma al-qism al-thani ». Il dit une deuxième catégorie de textes montrant donc le statut de celui qui juge par d'autres lois que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit فَمِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَقَوْلُهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَوْلُهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala cite donc dans sourate Al-Ma'ida trois versets qui ne sont pas consécutifs mais qui sont dans le cité dans le même contexte. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et celui qui juge, et celui qui ne juge pas, pour être précis, et celui qui ne juge pas parce que Allah a descendu, tels sont les mécréants. Dans un deuxième verset, donc ça c'est le verset 33, dans un autre verset, et celui qui ne juge pas parce que Allah a descendu, ce sont donc al-zalimun, les injustes, verset 45, وَقَوْلُهُ تَعَلَى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, et ceux qui ne jugent pas parce que Allah a descendu, ce sont les pervers. Cheikh Al-Uthaymin dit, وَهَلْ هَذِهِ الْأَوْصَافُ الثَّلَاثَةُ تَتَنَزَّلُ عَلَى مَوْصُوفٍ وَاحِدٍ, est-ce que ces trois donc qualifications, qui sont la mécréance, l'injustice et la perversité, elles sont rassemblées sur une même personne en même temps, ou bien est-ce qu'elles renvoient à trois donc cas différents? Il y a divergence chez les savants à ce niveau-là. Cheikh Al-Uthaymin dit, il dit بمعنى ان كل من لم يحكم بما انزل الله فهو كافر ظالم فاسق. Il dit donc, est-ce que le sens c'est que celui, toute personne donc qui ne juge pas parce que Allah a descendu est mécréant, injuste, pervers, لان الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال تعالى, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié les mécréants donc par l'injustice et la perversité. Allah dit والكافرون هم الظالمون dans sourate البقرة, et les mécréants ce sont eux les injustes. Et il dit aussi إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون, et ils avaient mécru en Allah et au messager et ils sont morts en étant فاسقون, donc pervers, mais c'est la grande perversité. Et dans le verset précédent, c'est la grande injustice et non pas la petite injustice. Donc il dit فكل كافر ظالم فاسق, tout mécréant est injuste et aussi pervers. أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم. Ou bien est-ce que ces qualifications donc sont appliquées sur différentes personnes en fonction de ce qui les a poussées à juger par autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا هو الأقرب. Il dit ceci, c'est ce qui paraît être le plus juste. عندي والله أعلم. Il dit pour moi et Allah أعلم. Ça c'est le wara du Cheikh et il était connu pour cela. Rahmatullah. Allez. Il dit فنقول. Il dit nous disons donc. من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به. Celui qui ne juge pas par les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. استخفافا به. C'est-à-dire parce qu'il ne donne pas d'importance aux lois d'Allah. أو احتقارا, ou bien par mépris. أو اعتقادا أن غيره أصلح منه, ou bien par croyance que les autres lois que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala sont meilleures. أصلح, c'est-à-dire elles sont plus meilleures. وأنفع للخلق, ou bien qu'elles sont plus profitables à la création. أو مثله فهو كافر كفرا مخرجا من الملة. Il dit ou bien toute autre raison pareil, il dit cette personne est mécréant, une mécréance donc qui sort de la religion. Il dit, ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه. Il dit, parmi ceux-ci, donc parmi les mécréants, donc Kufr Akbar qui sortent de l'islam, il dit les gens, donc qui mettent en place pour les gens des législations qui vont à l'encontre, c'est important ça, qui vont à l'encontre des législations musulmanes, qui vont à l'encontre des législations musulmanes. Les législations, elles sont de plusieurs catégories. La première, celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendue. Hein, le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Et Allah a légiféré dans tous les domaines. Soit bin nas, par le texte, comme le vol par exemple, le voleur on lui coupe la main, on n'a pas le choix. Hein, on ne peut pas diverger là-dessus. La divergence a lieu chez les savants au niveau de qu'est-ce que la main. Est-ce qu'on coupe jusqu'au poignet, au coude ou bien l'épaule? Mais sur le fait de couper la main, il ne peut y avoir de divergence à ce niveau-là. Le voleur et la voleuse, coupez-leur la main. Donc les lois descendues par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, donc ça, on est obligé de les appliquer. Ensuite, les situations auxquelles ne répond pas le Coran et la Sunna par le texte bin nas. Comme les organisations de certaines choses, mettre en place des amendes par exemple, mettre ces choses-là, il faut légiférer, par exemple, la circulation routière, ça se légifère, ça. Ça se marque, les assemblées législatives, elles s'assoient, elles débattent de ça. Donc ça, est-ce que ça entre dans le Coran et la Sunna? Si ça ne va pas à l'encontre de ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna, ça entre, bien sûr, dans les objectifs de la sharia et ça entre dans la généralité des textes. Tant que ça ne va pas à l'encontre du Coran et de la Sunna. Ensuite, on a les lois, donc qui vont à l'encontre de celles descendu par Allah subhanahu wa ta'ala. Celle descendue par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, le voleur dans mon pays, on ne lui coupe pas la main. Et c'est 3 mois de prison. Hada kufrun. Hada kufr, comment on va le voir? Prendre cette loi donc comme juge, hein, ça c'est du kufr. Akbar, et aussi légiférer cette loi, c'est encore pire ça. Ça c'est du kufr et du shirk, encore pire que celui qui prend donc cette loi comme juge. Mais le fait de juger par cette loi-là, un juge, on lui apporte un voleur. Et il dit, ce voleur-là, je ne vais pas lui couper la main. Et pour une raison ou une autre, il va à ce moment-là juger par une autre loi. Il y a détail, on va le voir. Donc le cheikh dit, donc ceux-là qui mettent en place aux gens des législations qui vont à l'encontre des législations musulmanes, afin qu'elles soient une voie. Donc c'est une voie. C'est quelque chose qui est mis en place dans le pays, ou bien dans la tribu, ou autre, et la tribu, le pays, les tribunaux marchent avec ces lois qui vont à l'encontre de celles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit donc les gens fonctionnent en fonction de cela. فَإِنَّهُمْ لَا يَضَعُوا تِلْكَ التَّشْرِعَاتِ الْمُخَالِفَةَ لِلشَّرِعَةِ الْإِسْلَامِيَةِ إِلَّا وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهَا أَصْلَحُ وَأَنْفَعُ لِلْخَلْقِ. Il dit, ils n'ont pas mis en place donc ces législations qui vont donc à l'encontre de la législation musulmane, si ce n'est parce que ils ont comme aqida. Et regarde le télézoum du cheikh. Le cheikh, il utilise le télézoum, mais certains vont comprendre de manière tordue. Ils vont comprendre que al-manat, donc la cause du takfir chez le cheikh, c'est l'aqida. Non. Le cheikh, ici, il statue de la mécréance de ces gens-là par l'acte. Mais il montre que cet acte-là, comme nous avons dit, il y a télézoum. Il y a donc interdépendance entre l'intérieur et l'extérieur. Une personne ne peut faire cela que si de son intérieur, elle pense que la loi donc qu'il a mis en place est meilleure que celle descendue par Allah subhanahu wa ta'ala. Si un gouverneur par choix et sans aucun ikrah, comme c'est le cas aujourd'hui, il n'y a aucun ikrah, la preuve c'est que lorsqu'ils sont conseillés, ils ne disent pas qu'ils sont dans l'ikrah, ces gens-là. Et même ils châtient celui qui dit qu'il est dans l'ikrah. Il dit, tu ne crois que moi je ne suis pas libre, c'est moi qui commande dans ce pays. Et c'est la réalité. Et donc si ces gens-là enlèvent le fait, par exemple, de couper la main au voleur et remplacent par 3 mois, qu'est-ce qui les a poussés à ça? Même si avec sa bouche, il dit que la loi descendue par Allah subhanahu wa ta'ala est meilleure, c'est du coup encore pire que celui qui dit que mettre 3 mois de prison au voleur, c'est mieux que couper la main. C'est pire d'un côté et c'est moins pire d'un autre. Celui qui dit, moi dans mon pays, le voleur il a, bon je dis 3 mois de prison, ça dépend du vol, vous m'avez compris. Il dit, c'est telle peine de prison en fonction de tel vol. On ne lui coupe pas la main. On ne lui coupe pas la main. Ça c'est du kufr. D'abord, dans le fait qu'il ait légiféré cette loi-là et qu'il ait mis en place que son assemblée législative et tous ceux qui se sont assis dans cette assemblée législative, même ils ont des qamis et des barbes, kulluhum irtaddu an dinillahi azza wa jalla. Wajibun alayhim qu'ils se lèvent. Déjà, ils n'entrent pas là-dedans si le pays n'applique pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais toute personne s'asseyant là et faisant le tawqi', donc confirmant et donnant son accord à une telle loi, est sorti de l'islam, ne serait-ce qu'une seule loi. Donc celui qui dit que dans mon pays, moi, on met en prison le voleur, on ne lui coupe pas la main, il a un kufr au niveau de cette législation. Et s'il dit, mais couper la main du voleur, c'est moins bien, c'est pas adapté, ça c'est un kufr encore pire. Il rajoute du kufr à son kufr. Mais celui qui légifère donc, dans son pays, dans mon pays, on met le voleur en prison lorsqu'il vole et on ne lui coupe jamais la main dans aucun cas. On ne lui coupe pas la main. Mais il dit, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est mieux. D'abord, on lui dit, tu mens. Parce que tu n'es pas dans l'ikra, et la base dans l'être humain, c'est qu'il met toujours en place ce qu'il pense être le mieux. Qu'est-ce qu'il te pousse alors à mettre ça si jamais tu n'es pas dans l'ikra? Pourquoi est-ce que tu vas à l'encontre de ton intérieur? Donc, premièrement, on lui dit qu'il ment, mais même si jamais, en acceptant cela, jadalan comme on dit, c'est-à-dire on accepte cela dans le sens du débat, sa mécréance là, elle est encore pire que le premier d'un point de vue. Parce que lui, il applique cette loi-là en sachant qu'elle est moins bien que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh, il dit ici, et ils n'ont mis en place donc ces lois qui vont à l'encontre des lois musulmanes seulement illa wahum. Seulement parce que ils ont la croyance qu'elles sont meilleures et plus profitables aux gens. Il n'y a pas de doute là-dessus. إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. Il dit car il est connu, hein, c'est connu de manière donc fondamentale par la raison et aussi par la nature, la saine nature, que l'être humain ne change pas, ne lâche pas une voie. Il ne délaisse pas une voie pour une autre voie qui va à l'encontre de celle qu'il a laissée. Donc, par exemple, les constitutions de l'Occident pour délaisser le Coran et la Sunna. Illa wa huwa ya'taqidu fadla ma adala ilayhi sans, si ce n'est parce qu'il croit, donc, que ce qu'il a choisi est mieux que ce qu'il a délaissé. Puis le shir dit, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَهُوَ لَمْ يَسْتَخِفْ بِهِ. Et celui, donc qui ne juge pas parce que Allah a descendu. وَلَمْ يَسْتَخِفْ بِهِ. Il ne prend pas ça à la légère. وَلَمْ يَحْتَقِرْهُ. Il ne le méprise pas. وَلَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّ غَيْرَهُ أَصْلَحْ مِنْهُ لِنَفْسِهِ. Et il ne croit pas que il n'a pas la croyance que les autres lois que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala sont meilleures que celles-ci. Il dit, ou bien, autre chose, فَهَذَا ظَالِمٌ وَلَيْسَ بِكَفِرٍ. Il dit, celui-là est injuste et il n'est pas mécréant. وَتَخْتَلِفُ مَرَاتِبُ ظُلْمِهِ بِحَسْبِ الْمَحْكُومِ بِهِ وَوَسَائِلِ الْحُكْمِ. Et il dit, donc celui-là est un injuste et il n'est pas mécréant. Et donc son niveau d'injustice, il est différent suivant donc la loi par laquelle il a jugé et aussi les manières, les moyens par lesquels il a jugé. Donc là, il faut bien comprendre la parole du shir, parce que certains peuvent la lire et ne pas la comprendre. Qu'est-ce qu'il a dit le shir auparavant? Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui juge par une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a fait cela que parce qu'il pense que cette loi, donc, est meilleure. Et ici, il dit, mais celui qui juge par une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne croit pas qu'elle est mieux. Donc, il y a contradiction ou pas? En apparence, il y a contradiction. Non, il n'y a pas contradiction, parce que quand il avait parlé qu'il ne peut y avoir dissociation entre la aqida intérieure selon laquelle la loi donc prise comme juge ou bien légiférée est meilleure que la loi d'Allah, c'est lors de la législation générale, comme il va le dire après. Lorsque la loi choisie dans le pays comme marji', comme point de retour, est une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans mon pays, on ne coupe pas la main du voleur, on met en prison. Dans mon pays, le vin, il est en vente libre et il est permis et on peut le boire. Celui qui met en place des lois de ce type-là, dans mon pays, la fornication, il n'y a pas de lapidation, il n'y a pas de, on ne fouette pas dans les cas selon le, comme vous connaissez, la lapidation pour certains, le fouet pour d'autres. Si dans mon pays, Je ne mets pas ça en place comme étant une législation générale. Ici, on ne regarde pas la aqida. Comme l'a dit le shir dans le paragraphe précédent. Ici, pourquoi est-ce qu'il dit qu'il peut y avoir donc jugement par d'autres lois que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala avec une aqida, donc selon laquelle les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont meilleures? Ça, c'est dans le jugement, dans l'unité du jugement avec, donc comme point de retour, avec comme point de retour la sharia. C'est-à-dire, dans mon pays, on applique la sharia. Les tribunaux appliquent la sharia. Et le juge, donc, reçoit quelqu'un. Et par pot de vin, par passion, parce que c'est un proche, parce que c'est un ami, à ce moment-là, il juge par autre qu'une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne coupe pas la main du voleur. Il prend un billet, un pot de vin, il dit « t'es libre ». Ou bien il dit « on va le fouetter ». Ou bien il lui met une amende. Ça entre dans la parole d'Ibn Abbas, kufrun duna kufr. C'est du kufr, mais qui ne sort pas de l'islam. Chez les khawarij, ça sort de l'islam. Et même chez certains salafs, en apparence, ça sortait aussi de l'islam. Mais ensuite, il y a l'ijma' qui est, il y a le consensus sur le fait, mais biiznillah, c'est la parole aujourd'hui dominante, que ça ne fait pas sortir de l'islam. Donc il n'y a pas contradiction dans les paroles du shir, et on va le voir, car encore il va détailler cela. Il dit ensuite, donc je saute quelques paroles du shir, il dit « Wa hunaka farqun bayna al-masa'il allati tu'tabaru tashri'an 'amman wa al-mas'alati al-mu'ayyanati allati yahkumu fiha al-qadi bighayri ma anzala Allah li'anna al-masa'il allati tu'tabaru tashri'an 'amman la yata'atta fiha at-taqsim as-sabiq. » Il dit, il y a ici une différence entre les cas donc qui sont considérés comme de la législation générale. Donc c'est la loi établie dans le pays. La loi concernant le voleur, c'est la prison, pas couper la main. La loi concernant le fornicateur, c'est une amende ou de la prison, ou parfois même, l'ayadu billah, dans des pays maintenant, si c'est fait par consentement, dans des pays se disant musulmans arabes aujourd'hui, il n'y a même pas de peine, quelle qu'elle soit. Il dit donc, il y a une différence entre les cas, donc les situations, qui sont considérées comme une législation générale, et donc le cas particulier, le jugement particulier. Dans laquelle le juge va juger par autre que ce qu'Allah a descendu. Il dit, car, donc, les situations qui sont considérées comme une législation générale, donc, le détail précédent, qui a été donné, il n'entre pas, donc, dans la législation générale. Le détail précédent, il est mis en place lorsque la sharia est mise en place, donc comme loi de retour. Le juge, donc sa constitution, sa législation, c'est Al-Qur'an wa Sunna. Dans le pays, c'est ça. Si jamais le juge, dans son intérieur, lui, il ne revient pas vers Al-Qur'an la Sunna, jamais. Jamais. Jamais il ne dit que, dans son intérieur, moi, la sharia qu'il a mis en place, mon gouverneur, moi, ça me regarde pas, moi. Dans mon intérieur, ceux qui viennent, moi, à chaque fois, je juge par une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il reste dans le kufr, duna kufr. Pour nous, il reste dans le kufr, duna kufr. Et on conditionne qu'il dise par sa langue, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont moins bien que d'autres lois que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien équivalentes, ou bien tout ce qui est cité comme étant des paroles de kufr en lien avec ce sujet-là. Mais nous, tant qu'on le voit jugé par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a'alam. Peut-être qu'à chaque fois il fait ça par réchoua, à chaque fois il fait ça par passion. Donc même s'il le fait des centaines voire des milliers de fois. Donc le détail que le Cheikh Al-Uthaymin a donné précédemment, il n'entre pas dans la législation générale. Donc le petit kufr, duna kufr, cité par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, concerne le juge dont le point de retour est la sharia dans tout les litiges, mais que ponctuellement, ou même souvent, ou même toujours, il juge par d'autres lois que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, on conditionne qu'il prononce quelque chose qui est kufri, qui montre son kufr intérieur. C'est comme celui qui fornique. Il fornique toute sa vie. Wal'iyadu billah. Car il se peut que son hub d'Allah et ses actes du cœur diminuent, mais pas jusqu'à disparaître et faire disparaître asl al-iman. Et on conditionne qui dit, même si en apparence, hein, nous on dit qu'il n'est pas kafir, auprès d'Allah il est peut-être kafir. Mais nous en apparence, on ne dit pas qu'il est kafir. Jusqu'à ce qu'ils disent, pour moi la fornication c'est halal. À ce moment-là, il est kafir, intérieur, extérieur. Mais là, on ne peut pas dire qu'il est mécréant. De même, le juge qui juge par d'autres lois que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala, tant que le point de retour est la sharia. Si le point de retour n'est pas la sharia pour une loi, dans ce pays, on applique la sharia dans tout, sauf pour le voleur. On le met en prison, sauf au lieu de lui couper la main. Allah dit, est-ce que vous croyez à une partie du livre et vous mécroyez à une autre? Et j'ai d'autres paroles de Cheikh Al-Uthaymeen dans lesquelles il fait cette différence-là. Il dit, rahimahullah, dans Qawl al-Mufid, fi Kitab al-Tawhid, dans son charh de Kitab al-Tawhid, il dit fa'ida, un profit, une remarque. يجب على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التشريع الذي يجعل نظاما يمشي عليه ويستبدل به القرآن وبين أن يحكم أو يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله فهذا قد يكون كفرا أو فسقا أو ظلما. إذ فيكون كفرا إذا اعتقد أنه أحسن من حكم الشرع أو مماثل له ويكون فسقا إذا كان لهوى في Nafsil Hakim. Il dit donc, Cheikh Al-Uthaymeen dans Al-Qawl Al-Mufid, il dit, il est obligatoire pour l'étudiant en sciences qu'il connaisse la différence entre la législation, donc générale, qui est donc une voie, donc qui est un nizam, une organisation, une voie sur laquelle les gens donc marchent, sur laquelle les gens vivent. Wa yustabdalu bihi al-Qur'an. Et on échange donc les lois du Qur'an contre cette loi-là. Il dit la différence entre ceci et il dit le fait donc que un jugement ait lieu dans une affaire par d'autres lois que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ceci peut-être de la mécréance ou bien de la perversité ou bien de l'injustice. Il dit c'est de la mécréance si jamais il croit donc que ce jugement qu'il a établi est meilleur que la loi donc du shara, de la législation musulmane, ou bien qu'elle est équivalente. Et c'est une perversité qui ne sort pas de l'islam si jamais ceci est fait par passion dans la personne donc du juge. Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh aussi à ce détail-là, je traduis tout de suite sans citer en arabe. Donc dans Mujmu' al-Fatawa dans le volume 35 page 388, il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre: Allah donnera victoire à celui qui l'assiste. Ou Allah assistera celui qui l'assiste. Allah est tout puissant. Inna Allah la qawiyun aziz. Alladhina immakkannahum, ceux que à qui si l'on donne donc le pouvoir sur terre, ils pratiqueront la prière et donneront la zakat, ordonneront le bien et interdiront le mal, et à Allah appartient donc le devenir des situations. Surat al-Hajj verset 40-41. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala a promis donc son assistance à celui qui l'assiste. Et il dit son assistance, donc l'assistance d'Allah, c'est l'assistance de son livre et de sa religion et de son messager. Il dit, oui, il n'y a pas d'assistance pour celui qui juge par d'autres lois que celles d'Allah. Et qui parle, donc sans science. Il dit, le juge, si jamais c'est quelqu'un de religieux, qui a la religion, mais qui juge sans science, il fait partie des gens du feu. Et s'il est savant et qu'il juge à l'encontre de la vérité que lui connaît, donc cette vérité, il la connaît, il fait partie des gens du feu. Et si jamais il juge sans justice et sans science, de manière plus prioritaire, il est donc des gens du feu. Il dit, et c'est la parole qui est importante, وَهَذَا إِذَا حَكَمَ فِي قَدِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ لِشَخْصٍ وَهَذَا إِذَا حَكَمَ فِي قَدِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ لِشَخْصٍ. Et ceci, s'il juge dans une affaire précise pour une personne. وَأَمَّا إِذَا حَكَمَ حُكْمًا عَمًّا فِي دِينِ الْمُسْلِمِينَ فَجَعَلَ الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما أمر الله به ورسوله وأمر بما نهى الله عنه ورسوله فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين ومالك يوم الدين. Il dit ceci donc, c'est si jamais il juge dans une affaire donc précise pour une personne. Mais il dit si jamais il juge donc un jugement, il légifère un jugement donc général dans la religion du musulman, et qu'il fait de la vérité le faux, et du faux le vrai, et de la sunna la bid'a, et de la bid'a la sunna, et du convenable le blâmable, et du blâmable au convenable, il dit, et qu'il interdit ce que Allah et son messager ont ordonné, et qu'il ordonne ce que Allah et son messager ont interdit, il dit ceci est d'une autre couleur, ceci est une autre, et c'est un autre style, autre chose. Il dit, c'est Allah qui juge, le Seigneur des univers. Donc, dans ce cas-là, et le Dieu, donc la divinité, subhana, des messagers, Maliku, Yawmiddin, le roi, donc du jugement dernier, du jour de la rétribution. Donc, Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit bien que, donc, la personne ne sort pas de l'islam lorsque c'est un jugement dans un cas isolé, et que la personne a comme point de retour la sharia. Il a d'autres paroles longues que nous n'avons pas le temps de citer. Nous terminons le texte, Inch'Allah, il dit « Wa dalilu ». Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab, il dit « Et la preuve, qawluhu ta'ala ». Donc la preuve de ce qui a été dit précédemment. « La ikraha fi din », il n'y a pas de contrainte en religion. « Qad tabayyana ar-rushd min al-ghay ». Donc la vérité du faux, la vérité est établie par rapport au faux. Elle est désormais claire. « Famay yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa ». Et celui qui mécroit au taghut et qui croit à Allah, c'est certes cramponné, accroché à la hanse solide, comme a dit Abdullah ibn Abbas, c'est donc la ilaha illallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a conditionné deux conditions pour qualifier la personne qu'elle est, donc, mutamassika, mustamsika bil urwati al wuthqa. Pour dire que quelqu'un est accroché à la hanse solide, donc qui est la ilaha illallah, il faut obligatoirement deux conditions, c'est al-kufru bit taghut, la mécréance. Donc, au taghut, et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la mécréance au taghut, ce n'est pas takfir au taghut. Mais je n'ai pas le temps de développer ça, on le fera bihaoulillah dans Nawaqid l'Islam. Donc, le takfir, c'est quelque chose. Et le kufr, c'est autre chose. Donc, mécroire au taghut et le rendre mécréant, c'est autre chose, ça demande du détail. Et il dit, wa hadha ma'na la ilaha illallah. Et ceci est le sens, donc la définition de la ilaha illallah. Il dit, wa fil hadith, et dans le hadith, ra'sul amri l'islami wa amuduhu s-salah. Il dit donc, la tête de l'affaire, c'est l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. La tête de tout ça, donc de la religion, c'est l'islam. Cheikh al-Uthaymeen dit, arad al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-istidlala bi hadha al-hadith ala anna li kulli shay'in ra'asa. Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab a voulu par ce hadith-là montrer que toute chose a une tête. Fara'sul amri alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam al-islam. Et la tête de l'affaire, de la chose qu'a apporté le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est al-islam. Wa amuduhu est son pilier sur lequel, donc il repose as-salah, c'est la prière. Na'am, prophète alayhi salatu wa sallam a dit, bayna ar-rajuli wa shirki wa al-kufri tarku as-salah. Entre l'individu et le shirk et la mécréance, il y a le délaissement de la salah. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Donc ce qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière, et celui qui la délaisse a mécru. Wa dhirwatuhu ou bien wa dhurwatu sinamihi. Wa dhirwatu ou bien dhurwatu sinamihi al-jihad fi sabilillah. Et donc le sommet de cette chose-là qu'a apporté le prophète alayhi salatu wa salam et le jihad fi sabilillah, Cheikh Al-Uthaymeen dit ay a'lahu wa akmaluhu al-jihad fi sabilillah. Le plus haut, donc la plus haute chose de cette religion et la plus complète, c'est le jihad fi sabilillah. Wa dhalika li anna al-insan idha aslaha nafsah, et ceci parce que la personne lorsqu'elle corrige sa personne, hawala islaha ghayrihi bil jihad fi sabilillah, il essaie donc de corriger autrui par le jihad fi sabilillah, li yaqum al-islam wa li takuna kalimatullah al-ulya, afin que l'islam soit donc concrétisé et que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Faman qatala li takuna kalimatullah al-ulya fa huwa fi sabilillah wa sara dhirwatu sinami li anna bihi ulu al-islam لأن به علو الإسلام على غيره. Il dit donc, alors la personne combat afin que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute, et il est donc sur le sentier d'Allah, et le jihad est donc le sommet de cette religion, car par celui-ci et par aucune autre voie possible jusqu'à la fin des temps, l'islam ne peut revenir donc à son hégémonie qu'elle a connue au premier siècle, si ce n'est par le combat fi sabilillah. Il dit c'est pour cela qu'il est appelé donc le sommet, car c'est par lui que passe donc la supériorité de l'islam. Il dit wallahu a'lam, Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab, et Allah donc est le plus savant. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Et ensuite il a prié donc sur le prophète alayhi salat wa salam. Il a demandé à Allah de prier sur le prophète Muhammad alayhi salat wa salam wa alihi, qui sont sa famille, selon une parole des savants. D'autres disent que ce sont tous ses poursuivants, et c'est ce qui paraît le plus authentique. Wa sahbihi, et ses compagnons, wa sallam, walhamdulillah. Allah nous a permis de finir ce texte-là. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.